prêt pour un peu de nouveauté? C'est la chance au coureur. Bonjour et bienvenue à La Chance au coureur, l'émission qui découvre, analyse, critique et décortique les nouveautés musicales reçues à ses coups depuis les 7 derniers jours. Mon nom est Mathieu Plante. Et le mien, Caroline Poutier. Bonjour Mathieu. Bonjour Caroline. C'est pareil à toutes les émissions qu'on fait ensemble. Oui, hein? Je dis ton nom, je dis les miens, je te dis bonjour. Bonjour à vous, bonjour. À la maison aussi. Oui. Bonjour à toi, bonjour à tout le monde. Bonjour à tout le monde. Comment allez-vous? On s'inter bonjour. Oh! C'est ça? Oui, hein? C'est exactement ça. On s'inter bonjour. Des fois, on s'auto-bonjour, on s'inter bonjour. Bonjour Caroline, bonjour. Bonjour Mathieu. Bonjour. Et bonjour à vous à la maison. Bonjour! On a fait le tour, je pense. Oui, je pense que la blague est assez épuisée, oui. Bienvenue à l'émission qui surfe sur les nouveautés musicales. Chaque semaine, on reçoit des tonnes de nouveautés par différents véhicules de transport routier. Oui. Et on le diffuse pour vous. Oui, exactement. On les découvre en même temps que vous parce qu'on les a pas écoutés d'avance. Hein. C'est en plein ça. Et cette semaine, on a une variété de disques assez spéciales. On a tout plein de reggae. On a vu du jazz. Oui. Mais par contre, on a juste deux CD franco. C'est bizarre, on a reçu... entre autres, pour commencer l'émission, un peu de Urbain des Bois. D'accord. Qui nous envoie son nouvel album La Gravité me pèse. Et on commence tout de suite par la pièce Mes chansons. À la chance. Au coureur. Au 89.1. FM. Mes chansons ne servent à rien. C'est comme des ailes de pingouin. Elles me vont bien, mais ne me mènent jamais loin. Trop petit le poème sur le bout de la langue. Butine mon cœur si ça te chante. Profite donc de l'occasion et pollinise ma tête. Mes chansons ne servent à rien. C'est comme des ailes de maringouin. Ça fait un buzz, ça peut piquer la curiosité. Petit le poème sur le bout de la langue. Butine mon cœur si ça te chante. Profite donc de l'occasion et pollinise ma tête. Mes chansons ne servent à rien. C'est comme des ailes de colibri. Ça va vite, vite, mais c'est déjà fini. Trop petit le poème sur le bout de la langue. Butine mon cœur si ça te chante. Profite donc de l'occasion et pollinise ma tête. Mes chansons ne servent à rien. C'est comme des ailes de poulet. Ça nourrit pas son homme, c'est juste un amuse-gueule. Trop petit le poème, en travers de la gorge. Arrache ma tête, elle me démange. fut donc l'occasion pour dévorer mon cœur. C'est fou, 89.1, la seule radio musicale. Je voudrais que tu m'écrives, je voudrais que tu me lises, je veux que tu me relises, pour être sûr que tu me comprennes. Je veux que tu me fredonnes, je veux bien que tu me marmonnes, je veux que tu m'apprennes, je veux que tu m'oublies, et qu'ensuite je te revienne. Ça ne me dit rien d'être un poète, j'aimerais mieux être un poème, et je veux que tu m'aimes comme tu aimes les poèmes. Je veux que tu me griffonnes, je veux que tu me chiffonnes, je veux bien que tu me jettes et que tu me recommences. Je veux que tu essaies de te souvenir de moi en attendant de trouver du papier. Je veux que tu m'apprennes, je veux que tu m'oublies et qu'ensuite je te revienne. Ça ne me dit rien d'être un poète, j'aimerais mieux être un poème, et je veux que tu m'aimes comme tu aimes les poèmes. J'aimerais mieux être un poème, et je veux que tu m'aimes comme tu aimes les poèmes. Je veux que tu m'inventes, je veux que tu me réinventes, je veux que tu me gardes dans un joli cahier. Je veux que tu me cherches, je veux que tu me trouves, à l'heure de soigner la tristesse. Je veux que tu me prennes, je veux que tu me lances, clouer le bec à la fatalité. Ça ne me dit rien d'être un poète, j'aimerais mieux être un poème, et je veux que tu m'aimes comme tu aimes les poèmes. Ça ne me dit rien d'être un poète, j'aimerais mieux être un poème, et je veux que tu m'aimes comme tu aimes les poèmes. Urbain des Bois. À la chanson coureur. Avec les pièces Mes chansons ne servent à rien et puis le poème de l'album La gravité me pèse. Ouais, il ne veut rien savoir d'être un poète, mais il aurait même mieux être un poème. Oh. C'est ce qu'il a dit. Ah ouais? Oui. C'est beau, c'est quand même. N'écoutais pas. Non, c'est ça. J'écoutais la musique, par contre, on trouve ça comment, moyen un peu? Ouais, moyen, genre endormant, je trouve. Mm-hmm. C'est ça, c'est un peu calme. On va voir si la troisième pièce ouais, est pareille. Peut-être, peut-être. Parce qu'on va aller entendre son single, dans le fond. Exactement, la pièce titre de l'album. Ouais, La gravité me pèse. Et je vais vous parler un peu de qui est Urbain des Bois. Mm. Son vrai nom est Luc Bonnin. Okay. Intéressant à savoir. Ben oui. Et bon, il a lancé trois albums avant celui-là, qui s'appelait Ma maison travaille plus que moi en 2000, État d'Arne, et non pas d'Arme, mm-hmm. mais d'Arne, genre l'animal, là, en 2000 aussi, et Entomologie en 2003. C'est ça qu'on dit. Et on décrit Urbain des Bois comme un auteur-compositeur-interprète qui parle des relations amoureuses et des vicissitudes du quotidien en ajoutant une touche d'humour. Attends. Vicissitudes, ça veut dire malheur, c'est ça? Ben, moi, je le sais pas, mais... Il y avait un épisode de Ramdam basé là-dessus, à un moment donné, donc ouais. J'ai retenu la... Mathieu étant un ancien grand fan de Ramdam. Ouais, ben je suis encore, mais pas trop. D'accord. C'est Ramdam, c'est ça. Tu peux pas faire autrement qu'à 2005, c'est tellement bon. Moi, j'aime pas. Ouais, je sais. Ma soeur aime beaucoup. Ah oui? Ouais. Bon. Son fils aussi, bon, qui a 3 ans. C'est pas toute la famille qui est pareille. Donc, on s'en va entendre une troisième pièce d'Urbain des Bois de l'album La Gravité me pèse. Voici la pièce titre, À la chance! Au coureur! Tu m'as échappé dans une craque du plancher. T'as pas besoin de t'excuser. Je sais que ça peut arriver. Le temps nous presse, la vie nous pousse. Le courant nous emporte, petit bateau fragile. La gravité te pèse, toujours besoin d'espace. Tu veux voir les étoiles, marcher dans le vide, marcher sur la lune, prendre le soleil dans tes bras. Tu m'as oublié en arrière de ton frigidaire. Seul contre le mur, je tousse de la poussière. Le temps te manque, la vie est courte et le courant t'emporte. Tu ne résistes pas, la gravité te pèse. Toujours besoin d'espace, tu veux voir les étoiles. Marcher dans le vide. Déposé sur une tablette comme un bibelot. À quoi penses-tu, dis-moi? Crois-tu que j'attendrai? Le temps, je m'en fous, la vie est belle et le courant m'emporte. Je ne resterai pas. La gravité me pèse, toujours besoin d'espace. Je veux voir les étoiles, marcher dans le vide. De Urbain des Bois à Sea Wolf. T'as pas un dessus? Wolf. Ouais. Un loup dans un, ouais, un loup. Dans un bois. Ouais. Le lien est bon quand même, non? Ouais. Correct? Correct. OK. À la chance! Ben, la chance aux coureurs, voyons. Ah, donc. Des coureurs des bois! Oh. Ah! Elle a été très, très vite ce matin. Pas pire. Ouais. get to the ocean for a run too low. I'm running, I'm a northeast stream. Get to the ocean for a run too low. Get to the ocean for a run too low. Drugs I'm taking aren't so good. Seawolf avec The Garden That You Planted. Et juste avant, c'était la pièce You're a Wolf. Ça vient de leur album qui se nomme Get to the River Before It Runs Too Low. De son album, je dirais. Son album, c'est vrai. Tu me disais que c'est une seule personne. Ouais, mais en tout cas, ça a l'air d'être juste une personne. Mm-hmm. C'est Alex Brown Church. Okay. C'est son nom. Mm-hmm. Et puis, on dit dans le fond que lui, sa musique reflète les endroits qu'il a habités et qu'il a aimé visiter aussi. On dit qu'il est né en Californie et qu'il a beaucoup aimé sa place natale. Californie? Il est chanceux. Tu dis en Californie, si tu veux faire vraiment québécois. Californie. Mais non, en Californie. OK. Non, mais je trouve que ça a l'air beau en Californie. J'irais pas scraper le nom. Non, c'est vrai, non. Belle place. Est-ce que t'es déjà allé? Non, mais je... Non, ça a l'air d'une belle place. À la télé, c'est tout se passe là, il me semble, en Californie. Ouais, c'est vrai. Bon, bref, on dit qu'il a habité en Californie. Ensuite, il a voyagé avec sa mère aux États-Unis, dont en Alaska et Hawaï, mm-hmm. et aussi en Europe. Donc, on dit que sa musique reflète tous les endroits qu'il a visités et habités. Et j'ai de loin préféré la première pièce que la deuxième qu'on a entendue, mais je trouve ça quand même bon, les deux, là. Je trouve ça bon. C'est ça, comme tu disais, c'est une seule personne, mais il est souvent accompagné de gens. Si vous voulez voir la liste des gens qui l'accompagnent, c'est sur le myspace.com/seawolf ou encore son site web au seawolfmusic.com. Facile à retenir. Et maintenant, question de faire encore un autre lien. Ben oui, c'est surprenant. Hein? On passe d'un animal à un autre, de Seawolf à... Celui-là, c'est pas un animal, la personne. Il n'y a pas de nom de band avec un animal, mais... Non, c'est la pochette. La pochette a un cheval dessus. Exactement. Sur un fond kaki un peu. Ouais, kaki camouflage, si je pourrais dire. C'est stealth, c'est furtif un peu. Ah. L'artiste s'appelle Mark Davis de l'album Don't You Think We Should Be Closer. Voici la pièce So the Wind, Don't Blow It All Away. À la chance! Au courage! There's no seas of gold will keep me from your door. 'Cause if I never held those eyes again, there would be some crying shame. No lonesome tune could ease the pain that I'd be asking for. Well, here's a picture that was stole some far off place some time ago, with hair as black as coal and a smile upon her face. So go find yourself some solid ground for you and all you've kept around. Take some time to tie them all down so the wind don't blow them away. As I kiss you slow and you vanish by my door, as the south wind blows the smoke away, I can't stand still to make you stay. Lazy days and the songs we'd play are all I'm wanting for. Things are not as they should be, this cold will be the end. Some solid ground for you and all you've kept around. Take some time to tie them all down so the wind don't blow them away. Mm-hmm. Mark Davis, So the Wind Don't Blow It All Away, de l'album Don't You Think We Should Be Closer, à la chance. Au courant. Mais qui est ce Mark Davis? Mark Davis, non, mais c'est un Albertain. En tout cas, je sais pas si lui est Albertain ou si des collaborations de personnes qui étaient Albertaines. Mais dans le fond, on parle de son background country, comme vous avez sûrement pu le remarquer. C'est un petit peu évident. Hein? Ouais. C'était dans ta face pas mal comme style. Et en plus, il y avait un cheval sur la pochette. Ouais. c'était assez évident. En fait, on dit qu'il y a eu beaucoup de collaborations de personnes qui font du country. Puis, ce qui est particulier avec cet album-là, c'est que c'est un lancement de CD double. Mais dans le fond, c'est pas le même CD. T'as Don't You Think We Should Be Closer, qui est celui qu'on vient d'entendre, et aussi Mistakes I Meant to Make. Et puis ça, c'est un album qu'on dit qu'il a été fait en 3 jours avec juste comme deux apparences, si on veut, là, de collaborateurs. Okay. Tandis que celui qu'on vient d'entendre, Don't You Think We Should Be Closer, il y a beaucoup de collaborations justement avec d'autres artistes country, albertains, etc., etc. OK. Ouais. Bon, mais justement, c'est clarifié, si on veut, sur la pochette en disant Part 1 en haut du titre. Donc, Mark Davis, c'est l'album Don't You Think We Should Be Closer. Et puis on s'en va. On passe à quelque chose que tu as écouté cette semaine. Oui. Si je comprends bien, c'est Yoav. Oui, mais en fait, c'est quelque chose que j'ai écouté cette semaine, mais que tu me dis que peut-être que ça l'a déjà passé. Mais on n'était comme pas certain, c'est donc ça. Je l'ai écouté. Je trouve ça très bon. Donc je me dis, même si ça l'a déjà passé, ben, ça vaut la peine qu'on le refasse passer parce que je trouve ça très bon. Yoav liked it. Non, j'essaie de faire un jeu de mots, mais ça marche pas ben, ça marche dans les un temps peu. De verbe, mais proche. Oui. Beautiful Lies, c'est le nom de la pièce? Oui, c'est un CD, dans le fond, c'est un single, t'as deux pièces, ben, c'est la même pièce, dont un qui est un remix. Okay. Puis on pourra aller l'écouter l'original, je trouve que ça vaut la peine d'écouter l'original. Pour se faire une idée un peu? Ouais, ben c'est ça. De toute façon, le remix ressemble beaucoup à l'original, il est pas vraiment différent, en tout cas moi j'ai trouvé. Hein. Mm-hmm. Fait que, on va aller écouter l'original, puis c'est très bon. Puis, apprécié. You have fun now! Allez, écoute. You have fun. À la chanson au coureur. Ah, c'est fou 89 FM, la radio la plus impressionnante du monde. Ouais, la meilleure. Yesterday, today, tomorrow, fade away like frozen photographs. Remember, forget the stakes, the ways you take, the ways you make the moments pass. Forever regret. Tell a beautiful lie, and I would die if you find out. I tell a beautiful lie every time that I did not open up my mouth. All the same, it's a game, it's a play, it's a war, it's a shame that we're always fighting for. I don't mean to cast no blame, I don't intend to pretend that I can never love you more. But in the blink of an eye, everything you ever knew can change. And it's a beautiful lie if you think everything will always stay the same. Tell a beautiful lie, and it's going to drive you crazy.

Data Rock avec Fa Fa Fa. Fa Fa Fa Fa Fa Fa Fa Fa Fa. Ouais, l'album, l'album est éponyme, Data Rock. Ouais, Data Rock, Data Rock, Data Rock. Ben, c'est ce que j'ai sur ma feuille ici. Data Rock qui semble être le band et Data Rock qui semble être l'album. Ok, ah, encore mieux. Ouais, ben en tout cas, on va s'en rappeler du nom. Ouais. Ben ouais, des gars de Norvège. Oui, des gars de Norvège qu'on dit qu'ils ont un passé ou plutôt des influences punk rock, mais qu'ils ont plutôt échangé leur guitare pour un synthétiseur et un groove box. Mm-hmm. Les membres sont Frederick Sarroa et Cat Hill. Et puis, vous pouvez aller voir le datarockmusic.com ou encore myspace.com/datarock. C'était pas .com, c'est .no. Ah, ben c'est vrai, mais c'est écrit .com ici, mais t'as raison, en haut, c'était écrit .no. Donc, je sais pas si les deux se rendent au même peut-être, endroit. Peut-être, ça se peut. Sûrement. Quand tu prends un .no, t'es mieux de t'acheter aussi un .com en backup parce que les gens vont pas nécessairement retenir le .no. Mais remarque, au Canada, on retient bien les .ca. Ouais. Peut-être parce que c'est le nôtre, alors que .no, c'est celui genre de quelqu'un d'autre, ouais. C'est ça. On a de la difficulté avec ça. Une chance que c'est pas .qc.ca, ça c'est dur. Enfin. On va entendre une deuxième pièce de Data Rock qui s'appelle Computer Camp Love. Vous avez vu juste par le nom et par... ben, vous l'avez pas vu évidemment, mais la couverture avec une police très très geek, nerd, ouais. Techno, que c'est un groupe très très très nerd. T'sais. C'est le même qu'il faut ouais. Dire ça, je pense. Ben, très... Hein? Ouais, peut-être. Mm-hmm. Très nerd, mais j'aime ça. Techno un peu, technologique, ouais. Techno, mais rock un peu, dance. Même si c'est deux mots d'habitude qui vont pas nécessairement ensemble, mais bon. Ouais, mais je trouve ça très bon mélange. Oui, moi, très bon. Ça. Voici Computer Camp Love et au retour, on parle de Yoav, on va écouter le remix. Oui, le remix de Beautiful Lie qu'on a entendu un petit peu plus tôt. Et je vais vous parler de lui, savoir c'est qui. Restez avec nous. C'est intriguant, hein? À la chance. Au courant. Oh, data. Data, data. Data, data, data. Data, data, data. Fa, fa, fa. La chance au courant. Computer Camp Love à la chanson coureur. L'album s'appelle Data Rock, Data Rock. Très, très geek, comme je l'avais dit tantôt. Les paroles faisaient vraiment... le gars, il a rencontré quelqu'un un camp d'ordinateur. Ouais, puis il parlait d'un Commodore. Oui, Commodore 64. Ouais. Ouais, puis il y avait des références à des paroles de Grease, je pense. J'ai pas remarqué. Enfin bon, c'est pas grave. Data Rock, allez-vous procurer l'album si vous aimez ça. Hein? Pourquoi pas? C'est ce qu'il faut faire quand vous aimez quelque chose, achetez-le. Oui, voilà, c'est la meilleure chose à faire. Maintenant, on retourne à quelque chose qu'on a visité un petit peu tantôt. Oui. Question d'aller plus en profondeur sur Yoav. Oui, Yoav. On va l'entendre, le remix qui était plus... Plus, électro, c'est un grand mot, là, mais c'est plus avec du beat. Là, parce que je sais pas si vous vous rappelez de la pièce qu'on a entendue tantôt, c'était quand même assez slow là, pendant un bon 3 minutes. Là. Après ça, c'était plus intense pendant les 2 dernières minutes. Mais quand même, il me semble, selon ce que j'ai écouté l'autre jour, ça fait quand même un petit bout, quelques jours déjà. Mais c'était plus... ça bougeait plus. Alors, pour parler rapidement de Yoav... Oui, Yoav Some Information. Oui, exactement. Exactement. Et on dit qu'en fait, il mélange plusieurs styles de musique, du hip-hop au classique, à l'alternatif pop à la musique du monde. Donc, c'est un excellent mélange. Là, ça en fait pas mal. Et on dit que son influence musicale a beaucoup rapport avec les endroits où il habitait. Ça me rappelle un peu ce que j'avais dit tantôt sur... L'Europe, l'Alaska. Mais en fait, lui, c'est ça. Il est né en Israël. Il habitait en Afrique du Sud lorsqu'il était enfant. Et puis, il a ensuite habité à New York et à Londres. Donc, j'imagine que son influence musicale a rapport, comme justement en Afrique du Sud, pas la musique qu'en Israël ou qu'à Londres. Fait que c'est ça. Et on dit que c'est cool, là, parce qu'il travaille avec le producteur Marius DeVries, qui a travaillé avec Madonna, Bjork et Rufus Wainwright. C'est quand même pas rien. Non. Alors, on va aller entendre le remix, Mathieu. Oh, tout de suite? Ouais. Ok, on s'en va entendre ça à la chance. Au courage. Ah, c'est bon, ça. Oh. À la Radio Campus de Trois-Rivières. L'excellente radio. C'est fou, ouais. Yesterday, today, tomorrow fade away like frozen photographs. Remember, forget the stakes, the ways you take, the ways you make the moments pass. Forever regret, I tell a beautiful lie, and I would die if you find out. I tell a beautiful lie every time that I did not open up my mouth. All the same, it's a game, it's a play, it's a war, it's a shame that we're always fighting for. I don't mean to cast no blame, I don't intend to pretend that I can never loved you more. But in the blink of an eye, everything you ever knew can change. And it's a beautiful lie if you think everything will always stay the same. le remix de Beautiful Lie de Yoav. Oui, et c'était très similaire à la version précédente. J'ai de la misère à voir la différence, mais tu m'as dit qu'il y avait un petit... C'est pas mal tout ce qu'il y avait. Là. C'était un petit peu plus rythmé. C'est tout ce qu'ils ont trouvé à ajouter à la pièce, mais la pièce est bonne en tant que telle, donc c'est correct. Ouais. Bon. Yoav. Yoav. Bon. Maintenant, on passe de Yoav à Petunia. Oui, on se demandait si Petunia, c'est un garçon ou une fille, parce que ça a l'air assez féminin. D'un, c'est une fleur. De deux, c'est fini en A. Oui. Mais sur la photo que j'ai sur ma feuille, c'est un homme. J'imagine que c'est un homme, parce qu'on dit « il ». Ouais. Ben, dans ce cas-là, ça risque d'être ça. Ouais. Petunia and the Loons, son band. Ouais, ben en fait, Petunia, c'est un chanteur et un compositeur, ou bien une chanteuse. Ouais. Disons que c'est une chose. Non, mais j'aurais tendance à dire que c'est un homme. En tout cas, bref, ça fait 9 ans qu'il parcourt le Canada avec ses chansons dont on dit qu'ils sont un heureux mélange de country, ragtime et de rockabilly. On va voir ce que ça va donner. Et bon, là, il s'est trouvé un band pour voyager avec lui, faire de la musique avec lui, qu'on imagine qu'il s'appelle The Loons. Parce que l'album, c'est de Petunia and the Loons. C'est une belle déduction. Oui, c'est très, très logique. Mm-hmm. Alors, on va aller entendre ça, Petunia and the Loons. C'est la pièce TikTok. Et elle est très courte. Oui, 1 minute 58. C'est pour ça, TikTok. TikTok. Le décompte, un peu. Oh. Petunia and the Loons, à la chance! Courage! I have certain through all memories. The old tin can go rattling through what it used to be. The pictures and the pages are torn out from the past. Blowing through the meadow green, now I'm here at last. Now I'm here at last. When I hear that clock talk, tick, tickety tock, tick for just a short while, you better rock, rock, rock. You better rock, rock, rock. Well, they may have their castles and their parking lots for wide. Live on the conditions of all that one can buy. Give them just 1 second, I'm running wild and free. Afraid of those conditions for what our life can be. What our life can be. When I hear that clock talk, tick, tickety-tock. Give for just a short while, you better rock, rock, rock. You better rock, rock, rock. One footstep brings me sadness, the other brings me joy. They mingle love together, it's my lifelong childhood toy. One step in the present, and I'm 2 steps in the past. One step to the future, but now I'm here alive. Now I'm here alive. When I hear that clock talk, tick, tickety talk. If for just a short while, you better rock, rock, rock. You better rock. Et on continue avec une deuxième pièce de Petunia and the Loons. Voici la pièce. The Cowboy Waltz, la valse du cowboy. Oh, ça va être triste. Ben, finalement, ça apparaît. Non, hein? C'est ça, hein? As the shadows went reaching across the long desert sands, and the cows went bowing as the galloping footprints of a streaking Mustang went riding through the night, went riding out of sight. Easy now, old saddle pal, this time is growing thin, this numbing pain within my side. The stars are growing dim, the stars are growing dim. Well, the crimson red tingle from the bullet inside, and the second slowly turned like ours, and the sheriff he followed not far off behind. From the cowboy now it be, from the cowboy. cowboy now at bay. Ride along, boys, he's not very far. Remember what I said, this rascal we are searching for. We're bringing him back dead. We're bringing him back dead. Well, the cowboy rode on under twinkling starlight, over shimmering silver badlands. When at last there he came to his journey's long end, and he mounted down at last, and he mounted down at last. He set free his horse with a tear in his eye. Those years they spent alone, but fate would finally find him here, his boyhood country home. His boyhood country home. Well, soon it was daybreak and the gunfight broke out, but the cowboy, he sat there so still. After bullets had pierced him again and again, they drew him for the kill. They drew him for the kill. There he sat against a tombstone. These words there you could read: I love you, darling, till the end. Won't you come back to me? Won't you come back to me? La chance au coureur et mes collègues ici m'ont, m'ont forcé, m'ont tordu le bras pour arrêter cette pièce de L.O.C. C'est pas très bon. Vraiment pas, hein? On voulait c'est faire comme un mal. Remix de la petite grenouille, là. Ouais, genre live. Live, tu sais, un band qui fait la Crazy Frog. Ouais. Pourtant, c'est supposé être quand même du reggae, mais non, je peux comprendre que ça. C'est pas ce qu'il y a de meilleur au monde, hein? C'est comme le punk, tu sais. Le punk, c'est plus du punk, mais le reggae, c'est plus du reggae, là. Ça s'applique à tout. Ouais, c'est ça. C'est plus le rythme qui est reggae, genre. On peut aller essayer. On en a comme 50, c'est du reggae. On peut essayer d'en trouver du meilleur là-dedans. C'est parce ça. Que ça, c'était un peu décevant. Hein? Je sais pas si vous avez vu avec moi les CD qu'on a reçus cette semaine. Reggae Hits 36. 36. Hein, c'est comme les mix qu'on voit souvent à la télé dans les pubs. Là, c'est ce que je te dis. C'est sûr, pauvre reggae. T'sais, c'est loin de Bob Marley. Là, ouais. On est très, très loin. Il y en avait un aussi, c'était Romantic Reggae. Okay, oh. Romantic Reggae, volume 8. On peut écouter Mathieu, puis se regarder dans les yeux. OK, ou on pourrait ne pas. Il y a aussi Toe to Toe, volume 9, avec Jacky et Richie Spice. On a reçu Big People Music, volume 14. Hein, volume 14, c'est très beau. Et Luciano avec Revelation Time, je pense que ça va être pas mal celui-là. Ouais, parce que les autres, c'est comme toutes des compilations de sûrement plein de trucs pas nécessairement très bons. C'est ça. Qui veut ça a l'air d'être tout le même label. Hein? Ouais. Les autres, là. C'est ça. Ils ont passé la tradition aux autres de faire des albums volume, numéro, quelque chose. Et puis, ils se sont dit, on va faire juste ça. Vous aurez reconnu la voix de Caroline Cloutier à ma gauche. Oui. De celle de Danny Janvier qui vient d'arriver à ma droite. Allô? En avant de moi, et très beau, comme toujours. Aïe. Et Mathieu Plante avec vous. Tantôt, on vous agace avec ça pendant toute l'émission. Là, il faut que vous restiez là pour ça parce que j'ai du bench 400 livres. Le band nous a envoyé des nouvelles pièces, OK? Je vais vous les nommer, juste pour vous agacer un petit peu. Avec les doigts, hein? C'est Varda. Et Oreo. Nouvelle track. Hein? Comment ne pas rester là? Oreo comme c'est... les biscuits? Oui! Miam. Vraiment. Miam, et on va même se gâter tantôt. On va faire les fous, comme on aime dire. Oui. Et on va entendre des pièces classiques, mais rechouigner, je dirais. Ben, pour une fois, bien enregistré. Chouing! Ça va être génial. Mais tout de suite, voici Luciano avec Revelation Time. L'album est Mr. Minister Please featuring Tristan Palma. À la chance! Au courant. Attention all security. Just uncovered a plot for the eradication of the plantation. And this requires your immediate attention. Ya ci sta. Sì, come alla mano. Già che io devo. Già che io devo. So feed it to me. Tell the officers them to leave. No one the officers come down the weed. Operation cannot proceed. Far away from society. Whoa. Do you know that I've got a big, big family? Back on the waiting on me. Well, society is trying to hold me down. They confiscate the earth from a strip to a thousand pounds. Desperation is all around. But the people got no job, they're a restless heart. Say, speak it to me, tell the officers them to leave. No one the officers for down the weed. Operation just can't proceed. No, Mr. Minister, please tell the officers them to leave. No one them come and cut down the weed. Operation cannot proceed. Cultivation is our only solution to overcome this poverty and starvation. All the farmers have been working so long. Now it's service and we need the molestation. Speed it to me, tell the officers them to leave. No one the officers come down the weed. Operation cannot proceed. Mr. Minister, please tell the officers them to leave. No one them come and cut down the weed. Meditation. Then why man can't disturb with them chemical inventions? I name my home with coke and crack. We destroy the nation. This is feeding to me. Hand me the good golly weed. No one the officers cut down the weed. No. Operation cannot proceed. Rasta please. Tell the officers them to leave. No one come and cut down the weed. Operation just cannot proceed. No. Do you hear? Do you hear? Send a message down in the air. Loud and clear. From the TV striking. Children are wandering. Young school riots leaving school. Got no skin, no chain. Shuffling the plane, yeah. Since we didn't come in, tell the officers them to leave. No one the officers cut down the weed. Mr. Minister Please featuring Tristan Palma de Luciano. L'album s'appelle Revelation Time et mes collègues ont décidé qu'une douzième pièce n'était pas nécessaire là-dessus. Ben, du reggae, c'est le temps du pareil au même, je trouve. Ouais. Je pense que ça va se ressembler si on en met une deuxième. Ouais. On avait compris le principe de l'album. Au moins, on s'est mis dans le beat un petit peu de l'été. Ensoleillé, il fait tellement beau. C'est ça, on aime ça, se réchauffer de même au rayon. Au rayon musical. C'est ça, ben musicaux. Oui. Musicaux. Ouais, excusez. Ça, c'est comme les festivals, là. Plusieurs festivals. Et voilà. Vous écoutez. On dit un cheveu, par exemple. On dit pas. Un cheveu. Un cheveu. Un cheveu. Un cheveu. Un cheveu. Un cheveu. Okay. Un cheveu. Des chevals. Des chevals, un cheveu. Ouais, mais à ce temps, on a le droit de dire des chevals. Moi, je veux dire un cheveu, c'est plus beau. C'est vrai que c'est beau. Moi, j'ai un cheveu chez nous. J'ai un cheveu. Un cheval. Oui, bon. Donc, écoutez la chanson au courant, l'émission qui découvre la liste critique et décortique les nouveautés musicales, les jeux du vendredi matin, comme ça, ou le reçu samedi. Reçu en chevaux. En chevaux. Aujourd'hui. Un seul, par exemple. Oui. Hein? Livré par Guy Bertrand, Jean-Son Aristide, voilà. Avec la couette de cheval. Donc, on a reçu le démo EP Maxi 2007. Yes. De la formation Jesse Bench 400 livres. C'est tout chaud, ça a été masterisé hier. Ben, je le touche, là, puis vraiment, j'ai chaud. Comme des excitations. Oh! C'est bon. Juste pour vous mettre dans le bain, hein, pour ceux qui connaissent pas Jesse Bench 400 livres, on va parler en détail tantôt quand on va entendre les nouvelles pièces. Hein, on l'a dit tantôt, il y a des nouvelles pièces, deux autres, mais ça va être très très bien. On va se remettre dedans en écoutant des classiques, un peu de Jesse Bench 400 livres. On va écouter en ordre Les Cormorants et L'Index. Wow! Ça va être bon. Pour vrai, Caroline connaît pas encore ça. Non, moi, je veux... Mais elle va pouvoir nous dire si elle aime ça. Tu sais, on veut, faut pas l'influencer. C'est comme non. Neutre. Mais je vous écoute en parler depuis tantôt, puis ça va être très, très excitant. Donc, j'ai hâte de... Je sais pas si on a créé trop d'attentes pour elle, ouais, mais bon. Je pense que... En tout cas... On va voir. À la chance! Au courant! Dans le cou, les allergies au chat, comme des coups sur mon matelas, et je me bats pour un jour être au crépuscule. Les yeux clairs et la bouche pâteuse sans me sentir minuscule. Des arbres, la nature et des cormorants vivent sur une ferme de cormorants. Et qui dans l'eau d'un lac artificiel rêvait à des choses surnaturelles. Palmes.

Jesse Bench 400 livres avec Cormoran et l'Index, les deux bons vieux classiques de ce band local que tout le monde adore. Yes! Et que c'était bon! Moi, elle a pas aimé ça. On a perdu quelqu'un en route, je pense. Ouais, ben, ouais. J'ai mieux aimé la deuxième que la première. OK. Je trouvais que la musique, particulièrement dans le refrain de la deuxième, était très bonne. Oui. Mais j'ai de la misère avec la voix du chanteur. OK. C'est ça. Je pense c'est quelque chose qu'on a déjà entendu avant. On a déjà entendu comme commentaire. Ça. Oui. Moi, je dis que c'est des pièces qui gagnent à être entendues plusieurs fois avant de s'habituer. Un. Deux, faut vraiment. Je dirais pas qu'il faut connaître le groupe particulièrement, personnellement, mais ça aide. Bah, c'est sûr que quand tu connais les personnages, c'est trippant. Hein? Quand tu connais le monde dans le groupe, c'est vraiment encore plus intéressant. Mais non, je pense qu'avec plusieurs écoutes, écoutez les deux reprises de l'émission et puis vous allez vous faire une idée. Non, mais c'est correct, on a un avis première et c'est bon, moi j'aime ça. Savoir ça. Moi j'adore ces deux pièces-là, je trouve que ça sonne très très bien sur le CD. Ça c'est bûche, c'est cool. Oui. C'est vraiment le fun. C'est différent des versions live qu'on a sur. En tout cas qu'on avait sur Internet dans le temps. Ils n'existeront plus maintenant. Ouais. Ah. Mais vous pouvez aller voir plus d'informations sur le band. Ils sont downloadables hein, sur MySpace. Downloadable? Ouais, tu peux les downloader sur. Wow. C'est là qu'on peut les écouter dans le podcast ou dans le petit lecteur MP3. Podcastez-vous ça. Ouais. MySpace.com/Jesusbench 400 livres. Wow. Bench B-E-N-C-H. Oui. Puis 400 voilà. Livres avec un S. C'est vrai. Parce qu'il y en a 400. Il y en a plusieurs, c'est sûr. Il n'y en a pas juste une. Hein? Comme il n'y a pas juste un animateur à la chanson coureur. Ah, mais il y en a juste un beau comme toi. Un seul qui est fin, par exemple. Puis une seule qui est super. Comment j'ai trouvé quelque chose de mieux. Charmante. Ah, oh, ben oui. C'est bon. Merci. Vous êtes fin. Quelque chose de mieux charmante. Ben là, c'était quand même bien. Intelligente, brillante, la top. Souriante. La top! La top! Voilà, la top des tops. T'es bon pour les compliments, toi. Ben, t'es habitué d'en recevoir, fait que tu sais comment les donner. Denis Janvier, Caroline Coutier, Mathieu Plante à la chance au coureur, comme toujours, les jeux du vendredi matin ou du samedi après-midi ou du mardi après-midi, tout le monde est là. En tout cas, nous, on est là, en ce moment, pendant qu'ils nous écoutent. Hey, Caroline, je pense à ça, je te regarde de même. Oui. Charmante comme tu es, pourrais-tu me piger un disque dans le bac, s'il te plaît? Je pourrais te faire ça en plein drette, là. J'aimerais ça qu'on puisse avoir quelque chose à écouter, tout le monde ensemble. Et puis c'était ça, regardez. Hein. Oh, Pink Martini. Oh, j'aime ça, Pink Martini. J'ai déjà entendu du Pink Martini. C'est très, très bon, si je peux oser le dire comme ça. C'est très... Très terrasse, Pink Martini, moi, je trouve. Ça fait été, absolument. Ouais, totalement. Ça fait milieu d'été. Ça fait peut-être pas début d'été. Mais pas à moins 20, comme aujourd'hui. C'était le mois de juillet? Un peu plus, oui. Genre, on écoute la pièce Everywhere et on en parle après à la chance. Ouais. Everywhere I go, I know. Everywhere I go will glow the sleepy summer sky, the lovers passing by, all the cities too make me think of you. Everywhere I go I see a world designed for you. Realize with every new sunrise that you are with me everywhere. I've never ever known a love that lasted beyond the thrill of a first kiss. This love of ours has utterly surpassed it. And now my bliss is this. Every time I'm far from home, I am never quite alone. Whenever we're apart, you're always in my heart. Thank you. never quite alone. Whenever we're apart, you're always in my heart. For you are with me everywhere. Joyeux Noël! Ça faisait plus ou moins terrasse, ça, hein? Ben, 4 pieds de neige. Ouais. Terrasse avec 4 pieds de neige, bien en habit de skidoo. C'était quelque chose, hein? On pensait à terrasse, mais enfin, non, pas du tout, du tout. On va leur donner une deuxième chance quand même à Pink Martini. Pas qu'on n'aimait pas ça du tout. C'est des fois, quand on donne une deuxième chance, c'est qu'on n'aimait pas ça. Dans ce cas-ci, c'est plus voir s'il y aurait pas d'autre style. On s'est plus fié à ce qu'on avait écouté l'autre album avant, qui était très terrasse, très martini, justement. Ouais. La pièce était vraiment bonne. Je me rappelle pas du nom, mais c'était vraiment bon. En tout cas, donc, la pièce qu'on s'en va entendre s'appelle. S'appelle City of Night. C'est la pièce sexy de l'album. Ouh! Ouais. Sexy Piece. On va aller entendre c'est, ça. C'est piano. Sensuel. Et peau d'ours par terre. Donc, tu changes de style, peut-être. Foyer, petit feu. Encore là, ça fait hiver. C'est hiver. Ouais. C'est comfort. Comfort food. Ouais, comfort music. Music. Ouais. À la chance. Bon courage. Allons entendre ça. The sun's going down with its deep umber light, embracing the town as we fall into night to the silvery sound as the birds. The city of night, it is the city of night. Leave the troubles of day behind and Martini à la chanson coureur, on vient d'entendre deux pièces de leur part, c'est-à-dire Everywhere et City of Night, qui vient tout juste de jouer. Ça vient de leur nouvel album, qui se nomme Hey Eugene. Hey Eugene. Hey Eugene. C'est le nouveau nom de Danny, d'ailleurs. Eugène. Eugène. Ah, et pourquoi? Eugène Denis. Je trouve que c'est Denis. Eugène Denis. Ouais. Parce que c'est un beau nom, ça y va bien. Je trouve qu'il a l'air d'un Eugene. Ah, ben c'est excellent. Et où il y a de l'Eugène, il n'y a pas de plaisir. Oh. Caroline, ouais, parlons un peu de Pink Martini. Oui, c'est un groupe qui a été fondé par Thomas Lauderdale, qui est un professeur de piano et quoi d'autre déjà? Attendez un peu, je vais le trouver. En tout cas, bref, je trouve pas. Mais il est allé à Harvard. Et bon. Il a rencontré China Forbes, qui est la chanteuse maintenant de Pink Martini. Il l'a rencontré aussi. Je m'excuse de t'interrompre. Non, je m'excuse. Je devrais pas faire ça pour interrompre avec mes blagues. J'allais dire que le gars, il va à Harvard. Il est très, très fort, Lauderdale. Oui. Très, très fort. Oui, j'avais compris. Oh. Lauderdale. Non? Oui. Excuse-moi, Caroline. Ouais. Pardon. C'était même pas drôle. Je me mets sur les genoux devant toi. Douteux. C'est ça. Mais bon, ça s'en venait mêlant ce que je dis, fait que je vais essayer de le remettre d'une autre manière plus simple. Bref, Thomas Lauderdale, qui était prof de piano et qui allait à Harvard, a rencontré China Forbes, qui est maintenant la chanteuse de Pink Martini, qui allait aussi à Harvard dans ce temps-là. Ah! Bref. Donc, au début, c'était un quintet, une quintette. En tout cas, ils étaient cinq. Ils étaient cinq. Ouais. Ah, c'est pas un film, ça. Elles étaient cinq. Mais en tout cas. Et ensuite, ils sont devenus un petit orchestre de 12 membres et pour finalement devenir, un groupe. Un ensemble. Un ensemble, c'est ça. Ils sont composés de tout plein de monde et que je ne nommerai pas parce que c'est beaucoup trop long. C'est tous des gens qu'on connaît pas. Moi, c'est ça. Mais en gros, pour vous dire quels instruments on retrouve là-dedans, évidemment le chant, mais c'est pas un instrument, là, de China Forbes, comme on disait tantôt. Piano, trompette, trombone, violon, violoncelle, harpe, basse, guitare, chant et percussion, congas et percussion, bongos et percussion et batterie et percussion. Beaucoup de percussions. Ouais, c'est bongo. Ce que font les membres du groupe de Pink Martini. Bongo. Bongo. Et c'est leur troisième album après l'album Hang On Little Tomato en 2004. C'était et Sympathique en 97. C'est en 2004, ça fait longtemps. Pourtant, on a l'impression que ça vient juste d'arriver, cet album-là de Pink Martini. Hier. Mais ça fait 3 ans. Voilà. Donc, ça, c'est Pink Martini. L'album s'appelle Et Eugène, pour l'exclamation. Et Eugene. Maintenant, on passe à un album que Caroline a écouté cette semaine et qu'elle a bien aimé, je crois. Plus ou moins. Ben, parle-nous-en donc. Ouais, c'est Miracle Fortress. C'est un band qui est canadien. Et puis, l'album s'appelle Five Roses. C'est un album qui n'est pas mauvais, qui n'est pas bon non plus. Ouais, c'est ça. Quand on dit un album qui n'est pas mauvais... C'est ça. Mais, c'est spécial. C'est ça. Il est différent. Mais je trouvais que musicalement, c'était bon. Il y a tout plein d'instruments. C'était bien arrangé. Mais il manquait d'intensité. Il manquait de peak, si je peux dire l'expression en anglais. Là. Mm-hmm. Mais, je te le permets. C'est un album très ambiant, je trouve. Bon. Donc, si je peux me permettre, je suggérais la pièce 5, Beach Baby. Pour vous donner un peu le son d'ensemble de l'album, ça ressemble pas mal tout à ça. À la chance! Au coureur, évidemment. Ah, c'est fou! 89 FM. La Radio Campus. De Trois-Rivières. C'est ça. Thank you. Fortress avec la pièce Poet Taster. À la chanson Coura. Oui. Ouais, c'est bon ça. Ben, c'est pas mal meilleur quand on le réécoute, je trouve. Puis sûrement que ça joue aussi le fait qu'on l'écoute individuellement. Parce ouais. que je trouvais que l'album au complet c'était monotone. C'était comme à un moment donné, tu te tends, t'es comme. C'est répétitif. C'est endormant, tu sais. Mais finalement, quand on les écoute tout seul, c'est bon. Bon, vous voyez, moi j'ai trouvé ça très bon. Bon. Et c'est, tu disais que c'est sur la même étiquette que. Patrick Watson. Patrick Watson, ouais, notre c'est ami. L'étiquette Secret City Records. Mm-hmm. Ouais. Et en fait, Miracle Fortress, c'est le projet solo de Graham Van Pelt, qui était un membre du groupe montréalais Think About Life, que je ne connais pas. Non. Est-ce que vous connaissez? Mm-hmm. Non. Mais bon, en tout cas, c'est ça qui est ça. Un petit lien avec Patrick Watson et technologie, parce que Mathieu est quand même monsieur technologie. Le 1er juin, Ubisoft fête ses 10 ans à Montréal. Okay. Et il y a un gros spectacle qui s'appelle Saint-Viateur Festival de rue avec Patrick Watson, une très belle pochette, une très belle pancarte. Et il y a Yesterday Ring, So Caleb, Pas Chic Chic et Patrick Watson qui vont être là. C'est le 1er juin où? À Montréal, donc dans la rue Saint-Viateur, entre l'avenue du Parc et la rue Saint-Urbain. Il y a Ubisoft, compagnie à encourager ces Québécois. Exactement. Miracle Fortress. Oui. Voilà, ça fait le tour. Ça fait le tour. Voilà. Danny. Oui. Je te réveille. Oui, ben oui. Est-ce que tu veux faire jouer un petit peu de Neil Young pour nous? Parce qu'on a reçu l'album la semaine dernière et puis tu l'as écouté. Oui, au moins une pièce que j'aimerais qu'on fasse jouer parce que notre ami The Rockmaster, Alain Lefebvre, va en faire jouer 2-3. Fait que on va en mettre juste une, ça va être assez. Et c'est l'émission qui nous suit si vous écoutez le vendredi Rock Classique à partir de 13h. Oui, donc excellent album, Massey Hall en 1971, ça a été enregistré et c'est le fun parce qu'il y a un DVD et on voit l'enregistrement, on voit le tape qui roule sur le stage. Un petit peu fatigant à voir le DVD, je suis en train de le regarder parce que c'est de l'image qui a été captée sûrement par un fan et ils ont retrouvé les bandes parce que le son est très très bon mais l'image laisse à désirer un peu. Mais c'est le fun parce que bien, comme la pièce qu'on va jouer qui est Old Man, la pièce à peu près... la plus classique de Neil Young, d'après moi. La pièce 3, c'est ça, je te l'ai bien dit. Ah oui. Donc, la pièce, une des plus classiques, c'est le show à peu près où ce qu'il la présente. Et on voit des films que c'est tourné chez eux dans son ranch, dans sa maison en campagne. Et puis, on voit le Old Man qui parle dans cette pièce-là. Donc, c'est très intéressant, surtout pour les fans. Mais qu'est-ce qui est encore le plus impressionnant, c'est que on voit justement que... il n'y a pas besoin d'artifice. Le gars, c'est un vrai artiste. Il est avec une guitare, il y a une voix, il n'y a pas de drum, il n'y a pas rien. Et c'est parfait. T'essayes de trouver la coche, t'essayes de voir où ce qu'il va se tromper. Mais il n'y en a pas. Ça arrive jamais. C'est comme, aïe, aïe, tu regardes les petits Ben aujourd'hui. Ouais. Tu sais, je veux dire, on a à apprendre des vieux loups comme ça. Donc, on va écouter la pièce Old Man de Neil Young sur son nouvel album, le dernier album compilation Massey Hall 1971. À la chance! Au courant! Makes me take my mind off of what I'm trying to do. You know, at the end, or when something's happening, like everybody's clapping or something, then take the pictures, okay? Thanks. Other words, it's a new song that I wrote about my ranch. I live on a ranch now. Lucky me. I never should have started playing with that thing. There's this old man who lives on it that, he came with the place when I bought it, you know, like, they have, ranches have foremans, you know, usually it sort of like stays there with the cows no matter who owns it. He's about 70 years old or something like that. Thank you. at my life, I'm a lot like you were. Oh man, look at my life, 24 and there's so much more. Live alone in a paradise that makes me think of two. Love lost, such a cause. Give me things that don't get lost, like a coin that won't get tossed, rolling home to you. Lullabies, look in your eyes, run around the same old town. Doesn't mean that much to me, to mean that much to you. I've been first and last, look at how the time goes past, but I'm all alone at last, rolling home to you. De monsieur Neil Young, respectable monsieur. Donc, en tout cas, je suis content de vous avoir fait découvrir ça, les jeunes. Ouais, ben, c'est... pas ça. Ben, c'est correct, ça. Faut pas avoir honte de l'admettre. Ben, on non, mais jamais c'est correct. Mais c'est un classique, je vous le dis. Mmh. Neil Young, l'album de compilation s'appelle... Ben, c'est le nom de la salle de spectacle, c'est Massey Hall, et c'est en 1971. C'est ça. Ben, c'est pas une compilation, finalement, c'est un album enregistré en spectacle. Ça porte à confusion. Maintenant, Caroline vient de piger un album pour nous, comme toujours, pour avoir quelque chose à entendre avec vous, comme ça. Oui, c'est Kurt Smith, et l'album s'appelle Halfway, Please. Et ça tombe drôle, c'est la pièce-titre qu'on s'en va entendre. Ah oui? C'est vrai. Excellent, allons l'entendre. C'est sûr que Smith a la chance. Au coureur. Et on vous en parle en revenant de la pièce. C'est vrai. Oui, c'est vrai. Absolument. Mais oui. Thank you. Kurt Smith avec la pièce-titre de l'album Halfway Pleased à la chance au coureur, l'émission qui découvre, analyse, critique et décortique les nouveautés musicales avec Caroline Cloutier, Danny Janvier et Mathieu Plat. Et on s'en va entendre une deuxième pièce, elle s'appelle Perfect Day. Hein? Qu'est-ce que vous en pensez de ça? Un jour parfait. Comme aujourd'hui? Non. Black Velvet Elvis is dead. Looks down his crown on the bed as he's led to the edge of town. September, pardon the sun. The hardest part is the one that you hold in your hands, dear. This is the perfect day to blow myself away. This is the perfect day. This is the perfect way, and everyone will say it's a perfect day. Someday kings Kurt Smith avec Perfect Day et juste avant c'était Halfway Pleased, deux pièces de l'album Halfway Pleased, justement à la chance au coureur. Oui. Oui, hein? Oui. Ben oui, tout à fait. Ben en fait, j'ai pas grand chose à dire sur Kurt Smith. Ok, c'est le fun. Est-ce que tu veux que je cherche quelque chose? Ben si tu veux. Mais d'accord. En fait, j'ai comme une feuille au complet, mais il s'est rien de très très intéressant, à part le fait qu'il faisait partie du duo Tears for Fears. Ouais. Mais je connais le nom, mais j'arrive pas à me rappeler qu'est-ce qu'il chantait de connu, là. Ok. Ben en gros, ce que ça dit ici, c'est que c'est un chanteur, bassiste un gars qui joue du synthétiseur, d'accord? Ouais. Et puis il écrit des chansons aussi, il est anglais. Donc, Angleterre, connu pour le band de Tears for Fears avec le guitariste Roland Orzabal. Et au début, il était influencé par des bands. Il était dans un band un petit peu ska qui s'appelait Graduate. Et puis aussi, il était dans un band qui s'appelait Neon avec des membres du futur groupe Naked Eyes. Voilà. Ah bon. Kurt Smith, l'album s'appelle encore une fois Halfway Pleased. Et c'est la fin de la deuxième heure de la chanson coureur. Au retour, on vous pousse ça depuis tantôt. Là, on n'arrête pas d'en parler. Jésus Bench 400 livres nous a envoyé quelques nouvelles pièces. On va les entendre dans la troisième heure à la chance. Au coureur. Chanson coureur, l'émission qui découvre, analyse, critique et décortique les nouveautés musicales reçues assez fou depuis les 7 derniers jours. Mon nom est Mathieu Plante, en compagnie de Caroline Cloutier. Allô. De Danny Janvier. Allô. Et de Voix à la maison. Est-ce que tu imitais ma voix, Danny? Ben, un peu. Ça ressemblait à ça? Ouais, hein? Juste pour rire. Est-ce que c'était méchamment ou ben c'était... Ben non, pas tout. C'est que tantôt, je l'ai fait, mon « Allô » moi aussi. Puis là, j'ai fait. « Danny fait tout le temps ça. Je l'ai fait sur le même ton que toi. OK, bon, c'est correct. C'est l'oncle Dan. Je suis pas fâché. Menaçant. Vous êtes à la chanson coureur. Merci d'être avec nous comme toujours. 3 heures de nouveautés musicales. Pour la première fois, vraiment, aussi longtemps, tous ensemble. Et hey, puis c'est le fun. J'aime vraiment ça. C'est super interactif. Il manque le public en studio. Wow. Applaudissons tous. Les 4 personnes dans le studio sont en feu. J'aime ça. Le monde capote. Je compte le recherchiste qui est dans la petite cage à côté. Là. Ouais, c'était la 2e fois que tu fais cette blague-là depuis la semaine dernière. Marcel. Mais rassurez-vous à la maison, il n'y a pas de recherchiste dans une cage. Bon, gars, gâche ma joke. Je voulais le nourrir à la fin. Non, mais ça, c'est pas recherchiste. Ouais, non? Non. C'est notre créature de studio. Ouais. Ah! C'est lui qui fait les sons. C'est lui qui fait les... Le bruiteur. Exactement. On s'en va entendre une 4e pièce de Jesse Bench qui a sorti pour la journée. On se défoule, tout le monde. Est-ce que vous voulez qu'on fasse les fous? Oui. On s'en va entendre la pièce Les Doigts avec... Les doigts. C'est Les Doigts, virgule, avec. C'est pour ça que je dis avec. Avec les doigts, à la chance. Au courage. Ça. Bien entendu. Nulle part ailleurs. Nulle part ailleurs. Cassez voilà. Fou. Voilà. avec les doigts. Avec les doigts. Avec les doigts. Avec les doigts. Avec les doigts. C'est avec tes doigts. Avec tes doigts. Avec tes doigts. Écoutez le son de demain. Pourquoi tu me craches dessus à chaque fois que j'essaie d'être ton ami? T'es malade, t'en peux plus, il faut soigner ta boulimie. L'espoir c'est toi qui tue, et toi et moi c'est pour la vie. Toi et moi c'est pour la vie. Oreo, sur ta tête je vois un Oreo. Oreo, tout étincelant un Oreo. Oreo, divin c'est en un Oreo. À chaque fois que je te prends, tu te laisses pas faire et j'en souffre. La folie et les dents pénètrent ma chair et j'étouffe. La nuit tombe et j'entends une belle mélodie ronde et douce. Une belle mélodie ronde et douce. Oreo, sur ta tête je vois un Oreo. Oreo, tout étincelant un Oreo. Oreo, tu vins c'est en un Oreo. Résigné à te laisser derrière, en plus j'ai des allergies. Retour voir ton propriétaire, on n'a pas d'histoire et c'est fini. Toi et moi c'est pour la vie. Toi et moi c'est pour la vie. Oreo, sur ta tête je vois un Oreo. Oreo, tout délicieux un Oreo. Oreo, tu vins c'est un Oreo. Sur ta tête, je vois un Oreo. Oh. Hey, on vient de changer la vie des gens avec cette pièce-là, je pense. Ben oui, mais ça met du sourire dans ta vie, ça, me semble. Ben, moi, ça m'en a donné un petit. Bon, c'est tout. Caroline est dure à convaincre. Ouais, c'est drôle, non? Oui, c'est drôle. Ben, elle est bonne. Moi, je trouve que c'est accrocheur. Cette tune-là, vraiment, ouais, moi, je la trouve vraiment, vraiment, vraiment bonne. toutes les pièces à date sont très, très bonnes de ce groupe-là. JaceBench 400 livres, myspace.com/JaceBench 400 livres. Si vous voulez entendre les extraits les plus récents, donc Cormoran, qu'on a entendu au début, tantôt, très, très, il y a très longtemps, en fond, quand je regarde ça, il y a très longtemps. Ensuite, on a entendu Danser Madame Danser. Ensuite, avec les doigts. Et maintenant, Oreo. Est-ce que c'est Oreo, clair? C'est la toune drôle. Ben oui, tout le monde, du bonheur. Vous ne pourrez plus penser au Oreo sans entendre cette pièce-là. Mais c'est ça qu'on s'est dit. Au pire, on va la vendre à Christie et on va faire de l'argent avec ça. C'est ça. Oui, mais soyez mercantile. À vous, là, tu vois du monde qui danse. Oreo. Avec... Oreo. Ça, Oreo. Ça fait vraiment une petite pub. Mais ouais. Ça. Là, JaceBench 400 livres, c'est eux, c'est le groupe, c'est le band, c'est la légende, le mythe. Hein? Caroline? Ouais, ben. Est-ce que t'as pigé quelque chose pour moi? J'ai effectivement pigé. Ben, c'est pas Paul Piché, ne vous inquiétez pas. Paul Pigé. Ouais. Ouais, j'ai pigé Blank Squirrel. Mais en fait, non, ça a l'air d'être l'étiquette de disque, ça. OK. Et le groupe a l'air à être Decomposure et l'album serait Vertical Lines et genre A. Genre A, donc. OK, ça a l'air canadien, OK, ouais. Oui, la pochette est très jolie. Il y a deux CD. C'est celui de la fin qui a l'air d'être le vrai CD. L'autre, c'est du matériel supplémentaire. OK, c'est intriguant à date, pour vrai. Oui, c'est vraiment très, très beau. Ça fait très... Ça fait parchemin, un peu. Oui. Très artistique. Artisanal, je trouve. Mm-hmm. Et artisanal et artistique. Oui, aussi. Artisticanal. Oh, attends. Oh! Ça marche pas, ouais, ça, peut-être. Oui, parce que ça fait un autre mot. C'est pervers, un peu. Oui. Hein? Voilà. Ouais, quand même, on n'est pas... Parlant de pervers. C'est ça. La musique, c'est la chanson courant. Alors, on va entendre donc la pièce Hour One. Ah. de... Ça te tente-tu? Ben oui, pourquoi pas. C'est tout Hour 1, Hour 2, Hour 3. Donc, peu importe. Allons avec la première. À la chance! Au coureur. C'est l'émission qui découvre, analyse, critique et décortique les nouveautés reçues depuis les 7 derniers jours. Oui, en chevaux. Assez fou. Assez fou, en chevaux. En cheval. En chevaux. En chevaux, chevaux, Caroline. En chevaux. Un chevaux, des chevaux. Parfait. C'est ça. Apprends-moi bien parler, ce faire de la radio. Perler. Perler, excuse-moi, perler. Il va falloir j'ai des leçons à apprendre, moi aussi, je pense. Dani aussi, hein? Non. Non, Dani lui donne les leçons. Je donne mes leçons, moi. T'es le professeur? Oui. C'est d'accord. Be nothing on the walls, there never was a response. A picture them in a van, reading aloud, hanging words, and wheeling them hushed across the spaces above our heads. So each deviation extends past the garden or through Serbian rats. From flight, it's easy to kill flies in an all-white room. And listen till you go blind and strip the skin from your palms to blot out the streak and morals. Pretend that you're lost in fossil cars with time to pat their back covers, fingers to stare into snap because you're being a tour trip, expecting it from the cells. The rubbins will brush aside to these kind of saturated lost clarity. C'est la chanson coureur et voici une deuxième pièce de l'album Vertical Lines A de Decomposure. Elle s'appelle Hour 2. Hein? Ça, c'est la deuxième heure. Check. Cool. It was hot. Half float, draw it out and cast it aside, but it will always return. We build slow refresh rates in dark yellow and hit boxes around white windows in line of sight. Painting an epic battle helmet versus nail mapping foot nudges to a sparse sleeping choir behind unbreakable swine necklaces. Is my invisible fence sad dash melted snow for ladder against a wall or a prayer for the poor instead of an air war throat dusted with flour? DIR/WA. The serenity thrives, back membrane between the two stroke lower case EI and 12 month and drawn circles, lots of under the settlement stuff to be short and rally where I hang around. I'm facing for 8 years, will shatter fully before I wait. Notes of the mural, image virus, hidden tires on identical Mobius, 36 minutes and further time to reach up for alarms, a competing system, draped over backs and warnings. Bullet hole and trans piercing, foster pain, even if you turn my mind, featureless face, expanding jump up the brand. And when he's frozen, action, spider bite, detection ball, cross drive, fields, a different balance, and go for home, gone opposing side. Clamp. Slogans are waiting with them from the aging writer, book any handbooks. Monstrous way of pupils and corrections are right under zero weight of risk. Clearing stacks between absence of blurred black rattle trailing with relative silence. Your knee carved in a desk and screwed purple below white bar style effects and conscious laps to find the days are up. Do you dream in Webster? Standing at two, picked under a little refuse. Crayon candles, cut the perfume from another dark tree. Leaves at the bottom of a field. Onions waiting across a GTM track. On a heathen down a millennium. Static thin white square. Folding your foot to twist and slap to the ground. We can talk of people eyelash and sit far from this is about a hand. Could consent to the edge of the table over smaller stone hills. Notch gonna touch paper to do four. And there's only Mr. Run of plan. Red second segment to be divided. And catalog is in high school. Talk no longer encoded. Red eye, green eye, flying in a remaining couple wounded deer. Ah, c'est ça, c'est pour ça. Ah. Hein, je l'ai vu venir un peu, mais j'ai comme pas réussi à le prévenir. Ouais, ça finit raide, hein? Ouais. Mais c'était des composeurs. Ça se compose ensemble, je crois, les pièces. Du début à la fin. Ouais, même s'il y avait un changement de style entre la première et la deuxième pièce. Assez extrême, même, comme changement. Ouais. Ouais, c'est du electronica expérimental pop avec des ambiances hip-hop, etc. Il y a plusieurs styles de musique. Très drum and bass aussi. Le style là, un petit peu saccadé. Il dit ici bristling drill and bass. J'imagine drill and bass. Ouais. Au lieu de drum and bass. Mais non, mais c'est quand même ce que tu voulais dire. C'est exactement ça. Enfin, c'est exactement à dire ça. Pareil. Ouais, dans le fond, on dit que des composers, c'est un band. Enfin, c'est pas un band, là, c'est le nom d'artiste de Caleb Mueller. M-U-E-L-L-E-R. Okay. Mueller. En tout cas, j'imagine. Mm-hmm. Et puis, bon, il fait de la musique, il décompose des sons et il essaie de les recomposer pour faire des choses qui ressemblent à des chansons. C'est pas moi qui le dis, c'est lui. Et puis, en effet, ça ressemble à ça. Hein. C'est plein de sons mélangés. On dit que les sons font genre de compétition pour essayer de se trouver de la place dans les pièces. Et ça ressemble pas mal à ça. Il se passe beaucoup de choses dans chaque pièce. Mélangés. C'est très lourd, très chargé. C'est un artiste canadien? Oui. Il dit qu'il vient des prairies de la Saskatchewan, mais il a beaucoup passé de temps en Ontario. Bref, c'est un Canadien. C'est déconseillé à tous les épileptiques. Ouais, vraiment. Absolument. Donc, Decomposure est le nom de l'artiste et Vertical Lines A est le nom de l'album. Ça dit en dessous October 28, 2005. Genre, je vais dire en français, 28 octobre 2005 au 28 octobre 2006. On imagine que l'album a été fait en un an exactement. Exactement, ouais, c'est ça. Et puis les pièces s'appellent de Hour 1, Heure 1 jusqu'à la Heure 11. Pour les 11 pièces de l'album. Et comme on disait, la pochette est extrêmement belle, très cartonnée. Oui. C'est vraiment beau. Ils sont faits à la main aussi. À la main? Chaque pochette? Oui. Wow, il n'a pas fait beaucoup, j'imagine. Non, ça doit être de la sérigraphie, d'après moi. C'est quoi ça? Ben, c'est de l'imprimerie, genre vraiment à la main. Là. OK, ah, je comprends. Comme l'atelier presse-papier, c'est même à Trois-Rivières, ils font de la sérigraphie. C'est une petite pub, là? Non. Non? Okay. Ils n'ont pas besoin de pub, ils sont subventionnés. Et c'est sur, j'aime ça, c'est sur l'étiquette Blank Squirrel. Oui, ça drôle. Oui c'est bon. Hein? C'est vraiment beau. Caroline, est-ce qu'on pige encore quelque chose d'autre? Ça certain plus? Qu'on pige. On y va, attention, dans certain le gros bac de la roue chanceuse. Oh! Oh, et j'ai pigé. Oh, ça a l'air compliqué à lire, ça. OK. D'Apple Cities avec le Grand Dance. OK. Genre la grande danse. Peux-tu nous décrire un petit peu la pochette? Oui, ben c'est assez psychédélique. C'est un fond blanc avec, on dirait comme une sirène. Il y a comme des fleurs, des vagues. Je sais pas ce que vous en pensez. Ouais. Ben ça fait très, très aquatique, quoi. Ouais. Très aquatique. Ça rappelle l'eau. Et puis en arrière, il y a des gouttes d'eau. Donc, des gouttes d'eau. Ouais. J'ai hâte d'entendre ça. On va l'entendre une pièce de cet album-là. Dappled Cities avec Grand Dance. Et on s'en va entendre la pièce Holy Cord. D'accord. À la chance. Au coureur. Ça... to soothe your headaches and make your day reasonable. The constant change, the folks don't stay the same. Fly by night and crawl by day. I could try holy, holy, holy cord. Chain, the battery thinking chain of thoughts and games. Who could say what we can go changing? Holy, holy, holy cord. Holy, holy, holy cord. Into your eyes and say, I mean it. To say you're not the bishop bound means that everything you say is what I'm looking for. The sounds you see, the sights you smell, the shapes your words are forming form a necessary world. Well, keep the d'Apple Cities. Avec deux pièces de leur nouvel album Grand Dance, c'est-à-dire Holy Cord, et on vient d'entendre Vision Bell. Très bon. Oui. Je ne m'attendais pas à ça, honnêtement, d'une surprise comme ça d'un groupe, d'un groupe c'est pas canadien du tout, hein, c'est américain. C'est australien. Australien, encore mieux. J'adore l'Australie. C'était très bon et on dit assez particulier. Avant que le groupe fasse son album, ils sont partis en tournée pendant plusieurs mois, mais ils n'étaient même pas majeurs. J'imagine qu'ils sont encore assez jeunes. Ouais. Puis pourtant, c'est très bon. Et ils ont joué avec nul autre que Wolf Mother. Oh, rock on. Moi, je Wolf trouve Mother. Que c'est assez cool. Génial. Pour un petit band qui dit de la campagne australienne, mm-hmm. je trouve que c'est assez, assez particulier quand même. Là. C'est un gros band, Wolf Mother. D'Apple Cities. Oui, D'Apple Cities. On dit que leur album, c'est un mix de trucs chaotiques, un peu d'indie rock énergétique. Et avec certaines influences orchestrales. C'est ce qu'on dit. Ouais. Ben, je le crois. Ouais. Ben, moi, j'ai bien aimé ça, en tout cas. Moi aussi. Ouais. Ça va avoir un petit cœur sur notre petite feuille. Oui, un petit cœur. Et un petit cœur veut dire qu'à la fin de l'émission, on va couronner un grand coureur de la semaine, comme à chaque semaine. Mm-hmm. Qui est-ce qui se sera cesse? Peux-tu nous dire qui est en qui compétition a eu des cœurs? Présentement? Jusqu'à maintenant, les chœurs sont à Data Rock. Oui. Hein, pour commencer, Miracle Fortress, l'album que tu as écouté cette semaine. Jay's Bench 400 livres, évidemment. Decomposure, mais le chœur est un petit peu. Je ne suis pas d'accord. Pas sûr d'avoir mérité ça, cet album-là, mais bon. Et D'Apple Cities qui mérite le dernier petit cœur jusqu'à maintenant. Oui. Maintenant, il nous reste encore quelques albums pour terminer la dernière demi-heure de l'émission. Dernier 20 minutes. Ouais. Mais on commence par quelqu'un de francophone. Oui. Hein, Robert Lavoie, l'album s'appelle Cats. Je pense que c'est le nom du band. Attends, on va certifier ça. Là. Robert Lavoie et le Cats Band est le nom du band, d'accord? OK. Et Johnny Blade est le nom de l'album. Et ça dit stéréo. Danger, la dépendance à ce disque croît avec l'écoute, risque d'accoutumance irréversible. Ah ben, ils ont l'air à trouver ça bon, eux autres en tout cas. C'est ça, exactement, ils ont une bonne estime d'eux-mêmes. Voici donc Robert Lavoie, le 4-4 Ben avec Folle de moi, la chance. Au courant! Merci mon Dieu, elle est folle de moi. Folle de toi, folle de toi. Elle est au cadeau. façon. Pas de crédit ou même de placement. Et si je vous le dis bien haut et fort, je vais aimer cette femme jusqu'à ma mort. Tous les hommes perdent un peu la raison quand ils la voient marcher avec son déhanchement. Peut-être suis-je chanceux, peut-être pas. Mais merci mon Dieu, elle est folle de moi. Folle de toi, folle de toi. Elle est au cadeau tombé du ciel et soudainement. La voix et le Cascade Band. Yeah, avec Folle de moi. Oui. Hey, très bon. Oui. Très boogie. Très quoi? Boogie Big Band. Boogie. Oui, en fait, c'est ça, c'est un big band francophone, comme vous aurez pu le comprendre. Ce qui est très rare. Québécois. Encore mieux. Mm-hmm. Je viens de lire ça. C'est entre autres, parce qu'il y en a plusieurs autres, mais je ne connais pas les autres. Mais entre autres, c'est le Brian Setzer Orchestra qui a donné l'envie à Robert Lavoie de fonder son propre big band. Très bonne idée. Oui, bonne inspiration à avoir, Brian Setzer. Et on dit bon, que le Cascade Band est né d'une passion pour la musique swing et rockabilly. Donc, on peut retrouver ça un peu dans les pièces qu'on a entendues. On en a entendu juste une. Je ne sais pas si on va l'entendre une deuxième. Bien sûr, elle bien s'appelle « C'est la faute au boogie ». Ah bon? C'est de là que j'avais pris le nom. Oui, c'est ça. Hein? C'est ça. J'ai comme fait le j'ai aucune aussi. Idée moi-même. Je les pique. D'accord. C'est pas vrai. Alors voilà, c'était Robert Lavoie et le 4-4 Band. On va entendre une deuxième pièce de son album Johnny Blade. Maintenant! À la chance au coureur! Après moi, c'est la même qui arrivait ne prévient pas. C'est celle-là qui me dévore des yeux. C'est celle-là qui veut faire tout ce que je veux. Je savais que je n'aurais jamais dû chanter un autre boogie pour les faire succomber. Toujours, elles n'en ont jamais assez. Toujours, n'importe quoi pour m'agripper. À la fin, c'est comme l'histoire précédente. À la fin, elles me confondent avec une bombe. Je savais que je n'aurais jamais dû chanter un autre boogie pour les faire succomber. C'est la faute au boogie. C'est la faute au boogie. C'est la faute au boogie. C'est la faute au boogie. C'est la faute au boogie. Boogie du samedi soir. Autrefois, j'ai bien cru que c'était fini. Autrefois, j'ai cru y laisser ma vie. Toutes ces filles ne savent jamais s'arrêter. Toutes ces filles jusque dans l'intimité. Je savais que je n'aurais jamais dû chanter un autre boogie pour les faire succomber. Dans le soir, après un concert délirant. Dans le soir, toute la fumée redescend. Voilà, aux prises avec ces mêmes femmes. Voilà, encore victime de mes charmes. Je savais que je n'aurais jamais dû chanter un autre boogie pour les faire succomber. C'est la faute au boogie. C'est la faute au boogie. C'est la faute au boogie. C'est la faute au boogie. C'est la faute au boogie. Boogie du samedi soir. Croisé sur mon parcours, c'est pas vrai. J'ai pourtant les yeux grands ouverts, c'est pas vrai. J'suis redescendu en enfer. Je savais que je n'aurais jamais dû chanter un autre boogie pour les faire succomber. C'est la faute au boogie. C'est la faute au boogie. C'est la faute au boogie. C'est la faute au boogie. C'est la faute au boogie. Boogie du samedi soir. C'est la faute au boogie. C'est la faute au boogie. C'est la faute au boogie. C'est la faute au boogie. C'est la faute au boogie. Boogie du samedi soir. C'est la faute à qui? Au boogie! À la chance au coureur! Bien entendu. Robert Lavoie et le 4-4 Band. Oui. Et on va changer de style un petit peu. On va aller entendre Montag ou Montag. Je ne sais pas trop. Je sais pas, mais la pochette est vraiment très, très belle. Oui, c'est très, très joli. Il y a comme des pièces de... Comment ça s'appelle déjà? Je sais pas. J'ai comme juste parchésie, mais c'est pas ça du tout. Parchésie du tout? Ben, je sais pas de quoi tu parles. En tout cas, je sais qu'il y a un morceau de carton accroché à une corde à linge avec des épingles. Il y a un saut de peinture. Il y a une chose de colle, un pot de colle. Ah, OK, de... C'est sur Nantes aussi, hein? Le jeu de le société, jeu qu'on fait là. Des mots avec, là, les lettres ont des points. Les Français le prononcent drôle. Scrabble. C'est le Scrabble. Un Scrabble? Un Scrabble, en France. Scrabble. Ah bon? Scrabble. Ah, je savais pas. Scrabble. Ouais, bon, on l'a enfin retrouvé. Pour faire le titre de l'album qui s'appelle Going Places, il y a aussi une bobine de fil. Tout ça pour faire une genre de ville. Une monopole. Ouais. Une métropole. Une monopole. Je pensais à Monopoly, beau jeu de société, tu parles de ça. Mais, voilà, donc on va entendre la pièce I Have Sound de leur album Going Places. Voici Montag à la chance. Ouais. We have sound. Montag. Oui, Montag, l'album Going Places. Oui. La pièce I Have Sound. Oui, l'album qui va être en magasin le 5 juin. Donc, dans 2 semaines à peu près. Mm-hmm. Bon, on dit que Montag, son vrai nom, c'est Antoine Bédard. C'est un artiste solo qui est né à Gaspé, au Québec, évidemment, qui a grandi à Coudjouac, dans le nord du Québec, mm-hmm. et qui maintenant reste à Vancouver. Donc, c'est pour ça que son album est en anglais, parce que maintenant, il reste à Vancouver, même si, à la base, c'est un Canadien français, un Québécois. Wow! Ouais. Et puis, on dit que il fait exploser le style qu'il faisait auparavant, plutôt minimaliste, pour faire des symphonies électro-pop incandescentes. Par contre, je trouvais que c'était quand même assez tranquille. Ce qu'on entend, c'était pas vraiment explosé. Au moins cette pièce-là, on sait pas pour le reste. Peut-être. On peut en écouter une deuxième pour avoir une meilleure opinion de l'album. Maintenant? Oui, absolument. Maintenant, oui, on s'en va entendre la pièce Alice avec comme collaborateur Ghislain Poirier sur les beats. L'album Going Places sort le 5 juin prochain. Voici Montag à la chance. Au coureur. La chance au coureur, on vient d'entendre la pièce Alice de son album Going Places. Oh yeah! Oh yeah! Montag, et c'est la fin de la chance au coureur pour cette semaine, malheureusement. Oui, déjà, comme ça passe vite. On courra notre coureur de la semaine. Oui, c'est Data Rock. Avec un album qui s'appelle Data Rock, Data Rock. Exactement. Pour qu'on retienne facilement le nom de même. Caroline, c'était un plaisir de t'avoir à la chance de pouvoir comme ouais, toujours. Merci beaucoup, Mathieu. Et à un jour. À un jour. Voilà. Je peux pas te dire quand. Mais un jour promis. La un jour, je vais revenir. D'accord. Caroline Coutier, merci. Dany Janvier, merci aussi. Merci à vous d'avoir écouté à la maison. Moi, je vous retrouve à La Connexion, émission d'informatique et de jeux vidéo, samedi. Jeudi en direct, samedi et mardi, de midi à 14h. La chance au coureur, les vendredis. La misère, un petit peu avec mes heures aujourd'hui. Oh, c'est pas très grave. En direct, le vendredi matin à 10h, en rediffusion samedi et mardi de 14h à 17h. Et au Palmarès, c'est fou, les vendredis soirs à 17h et les jeudis à 14h. Si vous écoutez le vendredi, restez là pour Rock Classique, parce qu'Alain Lefebvre va faire jouer quelques pièces de Neil Young. Hein, ça va oui. être très bon. Et puis, si vous écoutez la rediffusion, restez là pour la dernière porte à gauche avec Key One qui nous nous prépare une émission d'enfer, comme toujours. Oui, et vous rappelez que si vous voulez entendre du Data Rock, qui est notre coureur de la semaine, Mathieu va en faire passer ce soir au Palmarès. Et pour tous les détails de l'émission, allez sur le www.unechance.com. Mais qu'est-ce que je vais faire sans Caroline à partir de la semaine prochaine? Tu vas être très désorganisé, tu vas oublier de dire plein de choses. Mais je vais penser à toi très fort pour t'envoyer des ondes positives. C'est fine de la part de Caroline, Dany et moi-même Mathieu Plante. Faites attention à vos genoux. Bonne chance et bonne journée, ou bonne journée et bonne chance. Ou les deux. Bye-bye.